Ici le capitaine Cornelius Butt, vaisseau Infinité de la police spatiale. J'exige que vous me donniez la nature de votre mission. Ma mission est une mission secrète. Toutes les missions secrètes sont le cœur des emmerdes. Le cœur des emmerdes, c'est le cœur humain. Je ne vais pas engager une bataille philosophique avec vous. Moi, je n'attaque jamais un homme désarmé. Comme vous voudrez. Préparez-vous à une tentative d'évasion. Suivez-le. Thank you.